Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Huitième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. 31 décembre 2006. Aujourd'hui, Sheila a apporté une nappe en papier blanc de Strabane, où elle vit avec une amie depuis que je suis ici. J'ai fait des courses. Elle a préparé notre repas de réveillon avant de venir. Un grand plat de saucisses avec de la purée. Elle a rajouté des oignons confits, des pois écrasés et de fines tranches de pommes jaunes. Je mettais la table, nos deux assiettes et des chopes à thé pour verre. Sheila avait laissé une bouteille de vin blanc dehors contre la façade. Elle serait juste glacée au moment du repas. J'écoutais le silence de ma femme, ses gestes comme si de rien n'était. Quand je croisais ses yeux, elle souriait. Pas son sourire de fille, de mère, de combattante. Un sourire très âgé, bien, c'est prêt. Que je ne lui connaissais pas. Elle a dit une prière, trois mots seulement, pour remercier Marie de nous avoir réunis. Elle avait décoré la table avec des épines de pin et du gui de chêne. Nous avons trinqué au vin frais. Ce n'était pas une fête, mais une cérémonie douloureuse. Il était 21h. Le froid gagnait. Je n'attendrai pas minuit. Je suis épuisé. Moi aussi. Je vais écrire un peu et je viendrai te rejoindre. Tu écris à qui ? À personne. Des choses qui me passent par la tête. Son ami de Strabane avait fait un crumble aux pommes et en avait emballé la moitié pour moi. C'était presque un repas d'homme libre. En arrivant, Sheila avait été arrêtée par la garde à Sheeran. À sa description, j'ai reconnu Shaina, le vieux flic qui était venu me voir, et le jeune qui ne le quittait pas. Leur voiture était garée plus haut sur la route. Ils disent que toute l'Irlande sait où tu te caches. Oh, je ne me cache pas. C'est ce que je leur ai répondu. Mais le vieux a dit que tu devais faire attention en sortant, éviter les pubs, les rassemblements, tout ce qui pouvait mettre les habitants en danger. Les habitants ? Tu sais bien. Ils disent qu'ici, ce n'était pas leur guerre, et ils veulent juste que les tueurs ne viennent pas se perdre dans le coin. Ils ont été désagréables avec toi ? Pas du tout. Ils sont seulement inquiets des jours à venir. Nous nous sommes levés de table. La vaisselle attendrait l'année prochaine. Sheila a hésité, s'est approchée de moi. Je l'ai prise dans mes bras, mon visage perdu dans ses cheveux gris. C'était l'instant des vœux. Nous sommes restés un instant comme ça, nos ombres dansant sur le mur. Oh, bonne chance à nous. Bonne chance à toi. Mon Dieu, Tyrone, qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Il reste Jack, tes amis, ton pays. Mais c'était toi, mon pays, petite âme. Je l'ai enlacé davantage. J'ai pleuré, moi aussi, sans que mon corps en parle. Un chagrin d'orphelin. Sans plus rien. Ni la mère, ni le père, ni la maison, ni la terre qui le nourrit, ni le ciel qui le protège. Une épouvante et une solitude. Le silence à tout jamais. Et le froid pour toujours. Elle s'est couchée avec mon pull et ses chaussettes. S'est tournée vers le mur pour chercher le sommeil. Nous l'avions perdu tous les deux, ce sommeil. Elle depuis 10 jours. Moi depuis 25 ans. Belfast, 24 juin 1981. Depuis ma sortie de Langkesh, les Britanniques ne m'avaient pas relancé. Je ne provoquais rien. Je laissais venir. Je me disais qu'accepter la trahison leur suffirait peut-être. J'étais un agent à leurs yeux, mais je n'avais pas trahi. Pas encore. Je n'avais rien dit, rien fait, dénoncé personne. Juste cette conversation parisienne qu'ils prenaient pour un pacte. J'ai eu une pensée folle. J'ai espéré que tout s'arrêterait là. Qu'ils ne me demanderaient rien. Jamais. Bobby Sands est mort le 5 mai 1981, à 27 ans, après 66 jours de grève de la faim. Agonisant, il venait d'être élu député à Westminster, mais cela n'a pas suffi. Francis Hughes est mort le 12 mai, à 25 ans, après 59 jours de grève de la faim. Patty O'Hara et Ray McCreesh sont morts ensemble le 21 mai à 23 et 24 ans après 61 jours de grève de la faim. Le 22 juin, lorsque la brigade de Belfast de l'IRA a décidé d'abattre un gardien de Langkesh, Joe McDonald, Martin Hurston, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee et Michael Devine s'apprêtaient à mourir. La ville était tout entière recouverte d'un crêpe de deuil. L'IRA se devait de réagir. J'ai des photos de la cible. Pas beaucoup et prises de loin. Mais ça devrait aller. Tenez, regardez. Frank Mickey Devlin nous avait rejoint au premier étage d'une maison de briques, dans le quartier de Davis Flats. À l'intérieur de la petite chambre, nous étions 4, assis à même le sol. Frank, Jim O'Leary, une jeune recrue et moi. Il a une sale gueule. C'est qui ? Il s'appelle Ray Gleason. Il vit près de Cliftonville dans un quartier mixte. Un cateau ? Ouais. Il a 53 ans. Il travaille pour l'administration pénitentiaire depuis 62. Et il est entré au Keshe il y a 4 ans. Tiens, regarde, Tyrone. Un copain à toi ? C'était Popeye, mon bâton. En civil, avec son costume trop grand, sa chemise informe, son crâne chauve, sa cigarette au coin des lèvres. Popeye. Mon cœur battait. Ma tête, un tambour d'angoisse que tous devaient entendre. Tu le connais ? Non. Pourquoi lui ? La question m'avait échappé. Une interrogation stupide. J'ai cessé de respirer. Mickey m'a regardé étrangement. Sans le savoir, il m'a aidé à m'en sortir. Pourquoi un cateau, tu veux dire ? Ah oui, pourquoi un cateau ? À savoir. Ce sont les grèves de la faim, notre priorité. L'IRA doit y répondre sur ce terrain. Terry. Terry, c'est ça ? Ouais. Tu serais pas en train de m'expliquer la situation en prison par hasard ? Mais Tyrone... Tu penses nous enseigner la tactique militaire, c'est ça ? Calme-toi, Tyrone. Un gardien est un gardien, on se fout de sa religion. Ouais, c'est vrai. Walder m'avait mis en garde. Si tes copains te regardent bizarrement, c'est foutu. Si tu fais la gueule au lieu de rire, ou si tu ris au lieu de faire la gueule, ils auront des doutes. Et le doute, c'est mortel. Le jeudi, il travaille à 11h. C'est tranquille dans son coin. Il fait toujours les mêmes gestes. Il démarre, arrive au carrefour de Clifton et met sa ceinture en attendant que le feu passe au vert. C'est là qu'on peut la voir. Il prend pas de précautions. Il change jamais d'itinéraire. À part regarder sous sa voiture, non. Il fait rien. Vous feriez ça jeudi prochain ? Le plus tôt sera le mieux. Mickey m'a regardé en hochant la tête. Jim l'a observé en coin. J'ai perçu leur soulagement. Le vieux Tyrone Meehan leur était revenu. Qui sera sur le coup ? Moi, Terry, trois gars de Davis et une fille à vélo pour récupérer les flingues. Jim ? Tu me connais, Tyrone. Je maîtrise mieux les explosifs que le pistolet. Explique ta présence ici, alors. Le mode opératoire n'était pas arrêté. On avait d'abord pensé à piéger sa voiture, mais comme il l'inspecte chaque matin... Mickey, la prochaine fois, tu règles ça avant. C'est un briefing militaire, pas un débat public. Ouais, on en sait. Salut, les gars. J'avais besoin de savoir si Popeye avait tenu sa promesse. Je suis allé à Straban. Lorsque Fiona Phelan, la mère d'Aiden, est montée dans le bus, je l'ai suivie. Bonjour. Bonjour. Tyrone Meehan. J'étais avec Aiden en cellule à Lancashire. Tyrone Meehan ? Vous m'avez fait peur, je suis désolée. Excusez-moi. Que faites-vous ici ? Il faut venir chez nous, rencontrer mon mari. Je dois rentrer à Belfast ce soir même. Je descendrai au prochain arrêt. Vous ne devez parler de moi à personne. Même pas à mon mari ? Même pas, non. À personne. J'en suis désolé. Que se passe-t-il ? Rien, tout va bien. Je voulais juste savoir si vous aviez bien reçu un message de votre fils à la fin de l'année dernière. Elle m'a regardé, étonnée. Un message ? Le message. Le seul et à jamais. Elle a ouvert son sac, son portefeuille rouge. Tenez, regardez. Avec précaution, elle a sorti le mot de son fils. Protégé dans une enveloppe en plastique. Déchirer la Bible quand même, ça se fait pas. Popeye avait tenu parole. Je savais que Popeye serait là, à la bibliothèque. Il avait l'habitude d'aller y faire des mots croisés. Sans doute pour être tranquille. Pour oublier pendant une poignée d'heures les cris et les violences qui étaient son quotidien à Lancashire. Meehan ? Ne parle pas, Popeye. Ne dis rien, ne me demande rien. Lyra va te tuer jeudi. Qu'est-ce que tu racontes ? On sait tout de toi. A été localisé, espionné, suivi, photographié. C'est pour jeudi. Et je vais être obligé de te dénoncer à la police, merde. Pourquoi t'es venu me prévenir ? Je l'ai regardé. Les lecteurs autour de moi. Les femmes prenant des livres dans les rayons. Les enfants lisant des bandes dessinées. J'ai eu un geste d'impuissance. Pourquoi ? Pour moi, certainement. Pour me protéger, moi. Je n'avais rien à faire ici, en plein quartier protestant. Et c'était pourtant ma place de traître. J'ai été interpellé en douceur le 8 juillet 1981 au matin, dans Castle Street. La rue qui conduit de Falls Road au centre-ville. Depuis 5 heures du matin, la mort de Joe McDonald enflammait nos quartiers. C'était le doyen des grévistes de la faim. Mort à 30 ans, après 61 jours de jeûne. Dans un bureau de la caserne de Glen Road, Stephen Petrie, le type du MI5, et Frank Congreve m'attendaient. Cigarette, Tenor ? Mon nom, c'est Meehan. Non, Meehan, c'est pour le couillon de flic qui t'emmène ici. Mais pour nous, t'es Ténor. Alors voilà, Ténor. Si tu es là, c'est pour un rappel au règlement. Ce que tu as fait pour le maton, c'est courageux. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. T'es pas un flic, Tyrone. C'est pas à toi de faire régner la loi et l'ordre en Irlande du Nord. La loi et l'ordre, c'est nous. J'aurais dû faire quoi ? Très bon esprit. Le laisser crever ? Mais il va crever, ton Popeye. Je me suis raidi. Je n'avais jamais utilisé ce surnom. Et tu sais pourquoi il va crever, ton Popeye ? Parce que ceux qui veulent le crever sont toujours là. On l'a déménagé avec sa femme, il est en sécurité, mais ça va servir à quoi? L'Ira va en choisir un autre, et le buter n'importe quand. Et si c'est pas Popeye, ça sera Gontran ou Olive. Alors, si tes copains remettent ça, tu laisses faire. Tu nous dis simplement qui va être assassiné, quand, où et comment. On s'occupe du reste. Le pourquoi ne vous intéresse pas. Ne joue pas à ça, Mihan. Pas d'arrestation, c'est notre accord. Aujourd'hui, ces mecs sont aussi dangereux pour toi que pour nous. Je vous ai rien dit. Rien donné. Je ne crains rien. Tu crains rien, mais t'es con, quoi, Irlandais. T'es un agent britannique avec un nom de code et un officier traitant. Tu es mort, Mihan. Calme-toi, Steven. Je crois qu'il a compris. Désolé, Tyrone. On compte plus nos heures en ce moment. C'est foutu surmenage. Tu sais ce que c'est. On veut quelque chose sur l'un de tes gars. Nous pensons qu'il coordonne une évasion de Crumlin depuis l'extérieur. Jamais entendu parler. Ne réponds pas tout de suite, tu as tout ton temps. C'est pas une question de temps. Je sais rien. Tu y repenseras. On sait que Frank Devlin bricole quelque chose. Mickey? Devlin, c'est Mickey? Putain. Ça m'avait échappé. J'étais sidéré. Défaut de vigilance. Faute de débutant. Popeye, Mickey, vous avez une sacrée culture. Je comprends pas. Je comprends pas? Alors je vais t'expliquer. On sait qu'un certain Mickey était sur Popeye, qu'il a fait des repérages, qu'il a pris des photos. Mais personne n'avait fait le lien entre Devlin et lui. Devlin, putain. Il était sous notre nez. Sous notre nez. Touchez pas, Franck, merde. J'étais à Crumlin avec lui. C'est un ami. Un ami? Mais quel ami? T'as changé d'ami, Mihan. Maintenant, c'est nous, tes amis. Bon, allez, il est l'heure. Fin de l'entretien. Pas d'arrestation, on avait dit. Le lendemain au réveil, j'avais décidé de les détourner de Mickey. J'allais leur donner un renseignement. Sans importance, mais un renseignement. Je me débarrasserai d'eux comme ça. Peut-être. Et je le sauverai, lui. Il fallait que je fasse mon travail de traître. Avant la fin de la journée, j'en aurais franchi la porte. C'était comme prêter serment à la République. Un chemin sans retour. J'y étais engagé et j'allais m'y perdre. Depuis une semaine, mon fils Jack était sorti de l'isolement. Il avait retrouvé ses copains et sa cellule. Un cadeau de Maître Walder à Ténor, son traître. Et moi, je l'avais remercié. J'ai donné le 23 Poulbeck Street aux Britanniques. Le 23 était une cache occasionnelle. Une presque ruine qui avait servi à entreposer des armes et de l'argent. Depuis 4 mois, elle était nettoyée. J'ai rencontré Walder au cimetière. 23 Poulbeck Street. Oui, c'est ça. Dans le bas de Falls Road. Marchons un peu, Ténor. Je vais te raconter l'histoire de Damian Bray. C'était un ado qui fumait du hache dans ce coin-là. Et qui en revendait aussi. Pour se faire de l'argent de poche. Avec 2 copains plus âgés, ils se fournissaient à Dublin. Et ils jouaient à saut de frontière avec leurs barrettes cousues dans leur parka. Oh, pas grand-chose, hein. Tu vois, 100 grammes ici, 200 grammes là. C'était pas la mafia, mais ils pouvaient nous être utiles. Tiens, la tombe de McCracken. Florida, Ténor. Alors voilà, un jour on a arrêté Bray. Il a eu tellement peur qu'il a vomi. Une famille très honorable, ces Bray. Père à Longcash, frère à Lira. De vrais républicains. Sauf lui. C'était un gamin à écrire sur les murs « Ira égale flic ». Tu vois le genre? Alors on lui a mis le marché en main. Sa fumette, on s'en foutait, son petit trafic aussi, mais s'il voulait sortir libre de l'interrogatoire, il devait nous donner quelque chose en échange. Un peu comme toi, tu vois. Et tu sais quoi? Il nous a filé une adresse. Ah, je suis sûr que tu sais laquelle. Il y avait cherché un coin pour planquer sa merde et il était tombé sur un flingue. Lira l'a surpris, s'est sauvé. C'est fou ce que ce genre de monde vous déteste. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Walder? À force de se prendre pour la police dans les quartiers, Lira s'est fait de solides ennemis chez les voyous. Avec nous, c'est le juge. Avec vous, c'est une balle dans le genou. Alors finalement, il préfère encore les Brits. Pourquoi tu me racontes tout ça? Pourquoi? C'est parce qu'après les aveux du petit, on a mis le 23 sous surveillance, Tyrone. On a vu tes gars le vider il y a plusieurs mois. Et depuis, rien. un désert. Tu serais pas en train de te payer notre tête par hasard? Le 23 n'a jamais été surveillé, c'est fou. Personne n'a été arrêté. Arrêté qui? Les trois finas et le pauvre débile qui a fait le ménage? On veut taper l'IRA, pas vous fabriquer des petits héros à bon compte. Il a glissé une enveloppe dans ma poche. Je n'ai pas protesté. À bientôt, Mihan. Appelle quand tu veux. Au fait, on a arrêté Mickey. Il a parlé. Et tu sais quoi? Il a filé le nom du prochain maton sur la liste, l'endroit de l'opération, tout. Et puis... Je suis désolé, mais il a aussi donné ton nom. Et celui de ton artificier, tu sais. Celui qui n'aurait pas dû être là pendant votre réunion. En tout cas, t'as eu raison de le mettre dehors. Faire respecter les règles, c'est le boulot du chef. Martin Herson est mort le 13 juillet 1981, à 25 ans, après 46 jours de grève de la faim. Kevin Lynch est mort le 1er août 1981, à 25 ans, après 71 jours de grève de la faim. Kieran Daugherty est mort le 2 août 1981, à 26 ans, après 73 jours de grève de la faim. Frank Mickey Devlin, lui, a été torturé 5 jours au centre d'interrogatoire de Castlereagh. Privé de sommeil, debout, nu des heures face au mur, bras écartés. Il a été battu, électrocuté, étranglé, brûlé à la cigarette, étouffé avec des linges humides. La ville... Le ciel, les regards, tout empestait le triste. Triste pour Mickey, pour sa femme. Et j'étais triste aussi. Pour la première fois, je ressentais avec dégoût le savoir-faire des Britanniques. Partout dans les conversations, dans les regards, dans les silences, revenait l'horreur de la torture. Mais aussi, quand même et malgré tout, le fait que Mickey n'avait pas tenu bon. Il avait parlé. Les Britanniques l'avaient fait savoir. Leur presse s'en était délectée. Walder me protégeait. Le flic me protégeait. Il avait détourné le soupçon. Frank Devlin avait été arrêté 1 mois après que j'ai prononcé son nom. Une éternité. Je n'avais pas trahi. J'étais épuisé. Je m'offrais un répit. Une dernière illusion d'innocence. Bobby Sands died on the 5th of May, 1981, aged 26, after 66 days on hunger strike. Francis Hughes died on the 12th of May, 1981, aged 25, after 59 days on hunger strike. Raymond McCreish died on the 21st of May, 1981, aged 24, after 61 days on hunger strike. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Aurélia Petit, Jean-Luc Porraz, Éric Herson-Macarel, Fabrice Pierre, Patrick Autier, Laurent Ledoyen, Jeff Léric, Bastien Bouillon, Yvette Caldas. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. Michael Depp.